Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Amala Boudéa, je suis architecte des PLG et doctorante au laboratoire Cresson, sous la direction de Grégoire Chelkoff et Céline Bonico comme encadrante de thèse. Donc, je vais vous présenter mon sujet de thèse qui est actuellement pour l'instant le prototype architectural à l'ère numérique. Un outil conceptuel et opératoire pour une mutation de la discipline architecturale. Expérience de pensée, expérience matérielle et expérience sensible. Donc, je présenterai 7 points pendant cet exposé. Donc, dans un premier temps, le cadrage du sujet, la problématique en deux temps, l'hypothèse, la méthodologie, en développant la notion d'enquête chez Dewey, ensuite les corpus, à travers 3 points, les résultats attendus et en guise de conclusion, 2 cas d'étude qui sont en cours. Donc le cadrage du sujet de thèse se développe en 2 points. Donc, le premier point, c'est une recherche inscrite dans le contexte de la troisième révolution industrielle. L'architecture du 21e siècle doit assumer le cadre d'une troisième révolution industrielle qui s'incarne dans un double enjeu, écologique et environnemental d'une part, numérique et informatique d'autre part. Cette nouvelle condition de l'architecture, transforme la pratique architecturale, notamment le lien entre la conception des édifices et leur construction, de telle sorte que ces changements troublent les principes qui ont fondé le métier d'architecte. Comme le dit Mario Carpo dans son ouvrage « The Alphabet and the Algorithm », la profession d'architecte est née au XVe siècle par la constitution de l'œuvre architecturale, définie comme œuvre allographique au moyen d'une digitalisation de sa nature et en revendiquant une séparation entre l'activité de conception et l'activité de construction. Carpo décrit dans son ouvrage une évolution du statut primitif autographique de l'architecture défini comme un métier artisanal, c'est-à-dire conçu et réalisé par des constructeurs artisans, vers sa définition allographique moderne, l'architecture définie comme un art, c'est-à-dire conçu par l'un et devant être construite par d'autres. Ici une citation de Mario Carpo. In Alberti's theory, a building is the identical copy of the architect's design. With Alberti's separation in principle between design and making, came the modern definition of the architect as an author. Donc, dans la deuxième partie du cadrage du sujet de thèse, donc j'aborde la notion contemporaine de continuum conception-fabrication. Le bouleversement qu'introduisent aujourd'hui les outils de modélisation d'une part et les continuums conception-fabrication caractérisés par l'utilisation des machines à commande numérique d'autre part emmène à considérer à la fois la distinction, dissociation première entre la conception et la fabrication, mais aussi la nature de l'horizon performatif et désormais écologique de nos environnements habités. Précisément, les modalités contemporaines de l'activité de conception architecturale associent de nouveau la pensée et le faire, le design et la fabrication, autour des activités de prototypage dans le champ de l'architecture. Donc si la notion du prototypage rapide issu du monde de l'industrie est aujourd'hui répandue dans tous les champs qui concourent à la fabrication d'objets physiques, donc industrie automobile, aéronautique, médecine et les designs, non comptant d'investir le champ de la conception architecturale, elle hybride aujourd'hui le monde de la représentation, de la simulation fonctionnelle et de l'objet finalisé. À travers le prototypage, c'est l'articulation entre la dimension cognitive et la dimension matérielle de l'architecture qui est ainsi renouvelée. Dans la problématique, le prototype architectural est appréhendé comme une instance hybride entre pensée et réalité physique. La première partie traite la question de la pensée abstraite à la pensée procédurale. Le prototype incarne, selon nous, ce que Michel Serres appelle le passage d'une pensée abstraite à une pensée procédurale. Il concrétise la pensée conceptuelle La matérialité de prototype devient ainsi constitutive du processus de conception. Donc je souhaite éclairer l'évolution ou la révolution de la notion de prototype dans le champ de l'architecture au regard des modalités contemporaines de prototypage rapide dans le cadre de ce que l'on nomme plus largement le continuum conception-fabrication. Il y a deux questions qui émergent. Comment et selon quelle modalité une forme de pensée se transforme et ou est constitutive d'une forme de fabrication? Comment la transition numérique de l'architecture en cours impacte-t-elle la discipline architecturale? La deuxième partie de la problématique traite la question de la mise en forme de l'artefact à son expérience. La notion de prototype à l'ère numérique recouvre-t-elle un nouvel objet? Est-il en rupture ou en continuité avec ce qui est nommé classiquement maquette dans le champ de l'architecture? Le prototype contemporain est-il un artefact distinct des prototypes et maquettes conventionnelles? Ce qui me semble important, c'est ce qui se passe donc entre le modèle physique issu d'une modélisation numérique et l'expérience sensible. Comment cette expérience peut réalimenter le modèle numérique, ce qu'on appelle le feedback. Deux questions émergent dans cette deuxième partie. Donc, comment la matérialisation techno-orientée de la pensée est-elle une conceptualisation en acte qui bénéficie par la réalité physique des artefacts produits d'un feedback perceptuel que nous définissons comme nouvel étalon de concrétisation de l'architecture? Comment la perception et le vécu d'un prototype défini comme une forme en devenir infléchit ce même devenir de l'objet conceptuel ou objet de conception? Je développe en ce moment deux hypothèses. Donc, dans la première, je traite le prototypage donc rapide est un nouvel outil d'intégration de la matérialité dans la conception architecturale. Donc, je fais l'hypothèse que l'introduction des outils et des technologies de prototypage rapide implique de reconsidérer la distinction fondatrice de la discipline entre concevoir et construire. Cette hybridation de la pensée et de la fabrication physique introduit l'expérimentation matérielle au cœur de l'activité de conception, et selon le niveau ou le degré de prototypage physique, plus ou moins abouti, c'est l'activité de conception qui devient une pratique d'expérimentation. Donc je fais une première hypothèse en considérant que le prototype est l'objet de conception d'une pratique architecturale expérimentale contemporaine. Dans la deuxième hypothèse, le prototype est appréhendé comme un outil d'intégration des ambiances architecturales. La définition des ambiances architecturales s'est faite à travers la production et construction des prototypes physiques ou spatiaux du projet. Selon la nature et les statuts des prototypes fabriqués par la matérialisation physique des architectures en cours de conception, le prototypage permet d'introduire les ambiances au cœur de la conception. Donc, l'hypothèse que je fais est que l'émergence des outils de prototypage rapide et l'usage des machines à commande numérique dans le cours même de l'activité de conception, tout en transformant l'activité elle-même par l'introduction d'une matérialité, introduit de facto des caractéristiques sensibles et des qualités d'ambiance à percevoir. L'activité de prototypage, tout en permettant une optimisation technique du projet, concourt à la maîtrise de la qualité des ambiances architecturales. Le prototype comme objet central de conception d'une architecture contemporaine expérimentale devient alors le moyen d'une expérience sensible spatialisante. Donc je fais l'hypothèse que le prototype architectural est une ambiance perçue qui constitue l'horizon de la conception. En termes de méthodologie d'observation, je souhaiterais donc m'appuyer sur la notion d'enquête développée chez Dewey. Donc cette notion est étudiée en séminaire interne au Cresson et donc elle est étudiée actuellement. Donc je souhaite intégrer donc cette notion dans la partie méthodologique. Mon objectif ici est de dresser un parallèle entre la théorie de l'enquête chez Duhay et les processus de conception architecturale. Donc il y a selon moi trois enjeux pour faire converger l'activité de conception architecturale à la notion d'enquête, d'une part, mais aussi pour mettre en place une enquête dans l'objet et l'observation de la conception, en particulier l'activité de prototypage dans le cadre de ma thèse. Donc selon Duhay, pour qu'il y ait enquête, il faut qu'il y ait un cadre. Il y a trois points importants, donc une situation indéterminée qui, pour un architecte, est une situation projectuelle, un processus d'enquête donc, qui implique une formulation des hypothèses, et ensuite une fin d'enquête qui implique donc un jugement, une évaluation des hypothèses. Il en découle pour l'architecture donc un lien entre l'idée, l'action et l'étude et la vérification de cette idée. Pour les architectes, nous allons voir si le prototype permet de formuler et identifier des hypothèses en imaginant que la conception dans le champ de l'architecture est une forme d'enquête architecturale indissociable d'une fabrication et d'une forme de concrétisation. Donc ici, le corpus de la thèse développé en trois parties. Donc la première partie vise à constituer un répertoire à caractère monographique de prototypes manifestes, de démonstrateurs ou de prototypes spatiaux. Donc il s'agit d'étudier les prototypes analogiques remarquables de l'histoire de l'architecture donc par une analyse documentaire. Donc pour en citer quelques-uns, donc la maison Domino de Le Corbusier, la maison tropicale de Prouvé, le pavillon de Barcelone de Miss Vandero. Donc il s'agit de produire un diagramme, des diagrammes qui singularisent pour ces prototypes en architecture s'ils ont pour objet des questions normatives, des enjeux relatifs aux nouveaux modes d'habiter ou des principes technologiques. Et dans la deuxième partie de ce corpus, je m'intéresserai plutôt aux prototypes numériques remarquables avec une analyse documentaire et des entretiens si possible. Donc il s'agit dans ce cas-là plutôt d'analyser, regarder l'architecture expérimentale et des pratiques avancées en regardant en particulier la collection de Fraxant et les architectes avant-garde comme Hakim Menges, Neri Oxman ou Gramazio et Kohler. Dans la deuxième partie, donc le deuxième corpus, il s'agit donc d'observer des activités de prototypage en acte dans des situations exemplaires. Donc, on est plutôt dans des pratiques de pédagogie et de recherche expérimentale, donc, qui intègrent le prototype comme outil, comme méthode de pensée et de conception. Donc, je m'appuierai dans ce corpus donc, sur la production pédagogique dans le cadre de Digital RDL de l'ENSA de Grenoble. Et je souhaiterais ensuite regarder dans un deuxième temps donc la production et les pratiques expérimentales qui ont eu lieu aux grands ateliers de l'île d'Abo. Et cette recherche aussi s'inscrirait dans la recherche en cours du ministère de la Culture sur l'histoire des enseignements de l'architecture du 20e siècle. Et le troisième corpus s'intéresserait plutôt sur la compréhension des écosystèmes spécialisés, des écoles de pensée. Donc, pour citer quelques exemples, Boos, Boutemas et des écosystèmes d'aujourd'hui, en fait. Donc, le MIT Media Lab ou donc l'Institut de Computational Design à Stuttgart. Il y a trois résultats qui sont attendus. Donc, le premier, c'est construire la notion de prototype architectural d'un point de vue épistémologique, théorique, méthodologique dans le champ de l'architecture à l'ère de la troisième révolution industrielle. Ensuite, éprouver et reconfigurer la notion d'ambiance architecturale au prisme d'une nouvelle conception de la discipline architecturale définie en tant qu'activité de prototypage. Et troisièmement, donc, analyser la construction d'un enseignement expérientiel de l'architecture qui fait du prototype un enjeu d'ambiance, un outil pédagogique. Donc, en guise de conclusion, je vais rapidement présenter deux types de cas. Donc, le premier, c'est donc une communication qui a été faite à Volos au 3e congrès international sur les ambiances et qui repose sur un exercice pédagogique à l'INSA de Grenoble qui s'intitule « Donc prototyper les ambiances de demain », le prototype « Expérience de pensée »,« Expérience physique »,« Expérience sensible ». Et en deuxième point, donc un exercice également pédagogique à l'INSA de Grenoble qui a eu comme enjeu la fabrication des prototypes des façades qui ont été installés au CCSTI de Grenoble et qui s'intitule donc « Ambiance de demain, Advanced Building Skin, Smart Surface and Sensible City ». Donc je m'appuie ici sur une communication faite lors du congrès sur les ambiances. En partant donc de la question de l'enveloppe aujourd'hui et de l'ornementation contemporaine et traditionnelle, il s'agissait de la fabrication d'une expérience spatiale et immersive en s'appuyant donc sur un bagage théorique actuel en architecture et ancien également. Il s'agissait de la fabrication donc d'une expérience spatiale et immersive en travaillant sur la question donc de l'enveloppe et du motif du pattern. Donc, afin de mener à bien donc cette pédagogie et cette analyse, en fait, il y a un protocole en 6 phases qui a été établi. Donc, l'exercice repose donc sur la phase de conception en utilisant donc des outils de modélisation paramétrique. Ensuite, une production sérielle avec une sélection. Une simulation solaire, ensuite la production donc, des modèles à l'échelle de la maquette et du prototype à l'échelle 1, ensuite une évaluation donc, métrologique et à la fin donc, une évaluation plutôt sensible avec une expérience immersive. Donc, les étudiants, à partir d'un script, les étudiants ont produit et développé des enveloppes architecturales qu'ils ont dans un premier temps travaillé à l'échelle en fait des maquettes avec donc une production sérielle avec donc un aller-retour entre le modèle numérique et le prototypage rapide qui était fabriqué avec donc une découpe laser. Donc pour aboutir en fait dans une perspective phénoménologique sur 3 effets sensibles, donc des points de densité variable, plutôt une ornementation symbolique avec plutôt une façade en résille et en troisième point de travailler les profondeurs et le relief. Donc le processus a conduit à une protection d'artefacts à l'échelle 1. Donc l'activité de prototypage multiscalaire, comme on peut voir ici, et des expériences immersives et sensibles ont permis le développement des projets. Ici, donc, le deuxième cas d'étude, ambiance de demain. Donc, ce cas d'étude avait comme objectif de travailler dans le contexte de la ville numérique et de développer des scénarios d'interaction entre des panneaux de façade et l'environnement proche, urbain, entre les usagers également, à travers des capteurs et des senseurs, et de créer des effets lumineux variables. Donc ici, un exemple d'un panneau de façade qui était affiché sur la façade du CCST. Et ici, on peut voir le travail des étudiants en fait, sur le différents types de prototypes. Donc il y a à la fois une recherche sur le mécanisme, le principe de composition du motif, donc le dessin géométrique qui compose le panneau, également donc une recherche sur l'échelle du motif pour tester l'échelle de perception dans l'espace public, et on peut voir que la recherche technique est dans ce cas corrélée avec le travail sur les motifs. Donc ici, le projet qui a été nommé Projet Constellation, donc, dont l'objet était de travailler des degrés d'ouverture variable afin de créer un appel lumineux à intensité variable. Et donc ici, on a donc les exemples du travail de prototypage qui a été effectué par les étudiants. Donc, avec un travail donc, sur le système mécanique, les engrenages qui ont permis les ouvertures justement du dispositif. Et là, on peut voir donc, une production sérielle, donc, à la fois des dessins et des maquettes pour tester donc, la composition du motif. Donc, dans un premier temps, soit un motif aléatoire ou régulier qui a été testé à l'échelle 1, dans l'école, avant de finaliser le prototype final. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était la fin. Je crois que je dois être à 20 minutes, en fait. C'est ça. Voilà. C'était la fin. Donc, merci pour votre attention. Bon, ben, merci, Amal. D'accord, merci beaucoup. Bravo pour cette présentation. C'est un sujet très, très intéressant et très, très important. Ce que je comprends de votre sujet, c'est que vous interrogez ce lien possible entre la conception et la construction sans passer par des étapes intermédiaires ou des interlocuteurs intermédiaires ou des acteurs intermédiaires, c'est bien ça ? Pas forcément, mais c'est juste pour interroger le fait que par le prototypage rapide aujourd'hui, qui est introduit par les outils numériques, comment finalement l'introduction de la matérialité dans le processus de conception, comment finalement ça peut changer notre façon de concevoir. En fait. Oui, donc c'est bien la conséquence de ça. Oui. Et la question, c'est, en fait, c'est assez intéressant puisque vous introduisez effectivement dans cette question entre la conception et la construction comme un continuum, parce qu'on pourrait imaginer qu'on a un ordinateur, on fait un projet, et qu'il n'y a même pas de câble d'ailleurs, une liaison wireless entre vous et un chantier, où un robot se déplacerait, irait prendre des matériaux traditionnels, à la limite, mélangerait le ciment, le béton, etc., et viendrait, voilà, et sans prototypage. Vous aussi imaginez ça. Tout à fait. Et c'est ce que font d'ailleurs un peu Grand Azur et Colère, quand ils transportent leurs petites briques avec leurs petits hélicoptères, finalement c'est des matériaux assez, même très traditionnels. Tout à fait. Et il n'y a pas de prototypage. Donc vous prenez le cas où on passerait par un prototype. Mm-hmm. D'accord. Et alors à ce moment-là, c'est assez intéressant parce que du coup, vous êtes obligé de vous poser la question de savoir si ce prototype, c'est finalement pas une sorte de maquette améliorée, plus performante, moins laborieuse à construire et plus précise, ou quelque chose de vraiment nouveau qui permettrait de tester à la fois des nouveaux systèmes d'articulation, des matériaux auxquels on n'aurait jamais imaginé pouvoir utiliser, ou encore peut-être tester non pas simplement la matérialité des choses ou une géométrie, des formes, mais également cette question, moi je dis cette couche supplémentaire des ambiances. Mm-hmm. Et en fait, à la fin de votre exposé, on a l'impression que, en tout cas dans votre calétude, les ambiances c'est plus une question de lumière, de luminosité, de filtre, mm-hmm. que des ambiances au sens plus général du terme qui comprendrait à la fois les systèmes extérieurs, les systèmes intérieurs, les flux, les mouvements de l'air, les particules, la quantité d'oxygène, le bruit, etc. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai un peu compris votre exposé. Oui. La question que je me pose, c'est, il y a une première question qui est sur votre Sur l'activité de construction de prototypes, on a tous vu maintenant des machines qui vous expliquent, y compris peuvent faire des choses qu'on ne pourrait pas réaliser avec des outils traditionnels, donc des espèces d'objets ou d'hyper-objets. Mais la question c'est, quelle est la question, à quoi ça sert d'une part, ces prototypes d'objets qu'on ne pourrait pas réaliser. Qu'est-ce qu'ils permettent de tester qu'on ne pouvait pas tester avec les outils traditionnels faits à la main, par exemple? Pourquoi le prototypage numérique change complètement la donne? Et ce qui permet de poser cette question-là aussi, c'est un peu vous qui l'a suscité, parce qu'on est assez surpris, je trouve, quand vous dites, bah, finalement, la maison de Bino, ou la maison de Prouvé tropicale, ce auraient été des prototypes. Alors là, du coup, on se demande un peu si vous n'avez pas une vision un peu trop large de la notion de prototype, puisque même un dessin, parce que la maison Domino, c'était un dessin, avant d'être pour que ce soit vôtre, un dessin comme un principe, et puis vous savez qu'à la dernière, à l'avant-dernière Biennale de Venise, Coulas a pris la maison Domino et en a fait une espèce de maquette géante, en disant, mais non, c'est pas simplement un principe, la maison Domino, c'est aussi un projet, qui est une espèce de retournement. Mais moi, je ne suis pas sûre que la maison Domino, si on prend celle-là, ait été un prototype, et puisse se rentrer dans une catégorie qui serait celle du prototype, permettant de tester, alors vous donnez toute une sorte de, toute une série de définitions, à la fois la matérialité, l'ambiance, etc. Je me demande si la notion devient trop large, à un moment vous allez perdre votre objet, qui est quand même la production numérique d'un objet qui permet de tester un certain nombre d'hypothèses que ne permettait pas la maquette parce que finalement elle était trop élémentaire. Et ce qui est fantastique avec le prototype, comme il est numérique, c'est que d'une certaine manière, quand ça marche et qu'on le modifie suffisamment, effectivement on pourrait directement produire la... Parce que le prototype est un artefact, le prototype est déjà l'objet qu'on recherche. Et là je pense qu'il y a une question qui est importante sur la question de l'architecture par rapport à l'industrie. Oui. C'est qu'on a toujours dit, on dit toujours, l'architecture ne produit que des prototypes, vous savez. Oui. Hein, c'est une analogie, ça. Et que finalement, un projet architectural, aussi standardisé soit-il, même dans les années 60, en fait, ce ne sont que des prototypes, parce qu'on est incapable de le reproduire ailleurs, puisque le sol change, ne serait-ce que l'importance du sol change, parce que finalement, pour des raisons XY, la production industrielle a changé elle aussi, et le prix est plus ou moins bon. Donc finalement, l'architecture ne serait que la production de prototypes. Et du coup, on se rend compte qu'il y a, vous avez une espèce de difficulté, je pense, qu'il faut soulever, c'est que le prototype est un peu, dans votre cas, encore un mot un peu trop valise, un peu trop vague, et qu'il est urgent, je pense, de le réduire, de réduire un peu son... Parce que sinon, on sait plus très bien si ce que vous faites. Alors, à part ça, je vois que vous connaissez bien l'œuvre de mon mari. Je l'ai lu. Deux heures. Je regrette un peu que vous ne citiez pas un livre que j'ai fait avec Cyril Simonet, qui s'appelle Les architectes de la construction, et qui se pose la question justement d'une. Bon, c'était bien avant le numérique, hein, puisque c'est un livre qui avait été écrit. Le titre du livre? Les architectes de la construction. Et qui pose la question du rapport entre le chantier, le bureau d'études et l'architecte. C'est un livre très, avec une ambition assez simple et qui ne repose que sur la parole des architectes. Donc, c'est les architectes qui disent quel est leur rapport au chantier et leur rapport au bureau d'études. D'abord au bureau d'études, puis ensuite au chantier. Et je pense que ça vous permettrait peut-être aussi de réduire un peu le champ des questions que vous posez. Parce qu'à mon avis, pour l'instant, c'est vraiment un peu large. Vous en êtes dans la thèse, mais... Là, je suis en début de thèse. On a toujours un peu un sujet un peu large. Et moi, je pense que vous auriez intérêt, comme ça, vous en êtes à un peu réduire, vous voyez, parce que... Et même parler de prototype analogique, ça me semble être vraiment un peu compliqué. Parce qu'un prototype est forcément une analogie. Je vois pas comment un prototype ne pourrait pas être une analogie. Qu'il soit analogique. C'était plutôt dans les modes de fabrication, en fait, et dans le mode de conception. Bah oui, mais alors qu'est-ce qu'il est s'il n'est pas analogique, le prototype ? Dans sa forme numérique, en fait, donc c'est une forme première, une famille des formes, qui d'un coup peut être déclinée, en fait, et produite d'une façon très variable, en fait. C'est ça l'idée, en fait. Oui, mais c'est ça, la différence. Vous êtes d'accord, et bien toujours en relation avec autre chose qui devrait être produit en plus grande échelle ou en quantité plus importante, sinon on ne parle pas de prototype. Nous, on parle de production. Pas forcément, parce que par exemple, pour moi, le pavillon de Miss Vandero à Barcelone, c'est vraiment un prototype spatial, par exemple. Je pense que là-dessus, alors là, pour le coup, effectivement, je pense que vous utilisez prototype dans une vision trop vaste. Mm. Si le pavillon de Barcelone de Miss est un prototype, tout est un prototype. La Villa Savoie est un prototype. Donc, si vous avez trop de choses dans la grande caisse, vous avez défini, vous dites que ça c'est des prototypes, vous mettez trop de choses. Si vous dites que le pavillon de Barcelone est un prototype, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que le pavillon de Barcelone, c'est quoi? D'une part, c'est un pavillon. Donc, il faut mettre l'esprit nouveau aussi, il faut les comparer. Tout à fait, si vous voulez, si l'esprit nouveau et Barcelone sont des prototypes, qu'est-ce qui n'est pas un prototype? Pas à la même échelle, pour moi, c'était plutôt les modes. Est-ce que la France est un prototype? Mon conseil, c'est le numérique, oui. C'est-à-dire c'est quoi le numérique? C'est du codage. À partir du moment, l'hypothèse, à partir du moment où on introduit le numérique dans la conception architecturale, ce qu'on produit n'est pas exactement la même chose que ce qu'on pouvait produire avant sans numérique. Moi, je pense que là, il y a une espèce de barrière frontière. Que si vous mettez la maison de Minou comme un prototype qui peut apprendre des choses sur le numérique, je pense que vous ouvrez trop le champ des possibles. Alors, c'était pas pour nous apprendre, mais en fait, c'était juste pour inscrire la notion du prototypage à l'ère numérique dans l'histoire, en fait, et de devoir avant, finalement. Alors, qu'est-ce qui ne serait pas dedans? Franchement, posez-vous la question. Parce que, par exemple, vous ne parlez pas de Vitruve, mais les ordres tels qu'ils sont décrits, d'une certaine manière, c'est un prototype. Tout est prototype. Vous êtes devant une espèce d'univers vraiment très très difficile à définir. Moi, je pense que cette histoire du codage du numérique, c'est vraiment pour vous quelque chose qui crée finalement une séparation. Moi, je pense. Oui, mais d'un coup, il faut montrer la séparation avec quoi? Et donc, c'est important. Avec des modes de conception qui nécessitaient l'apprentissage du dessin, qui nécessitaient l'apprentissage. D'une certaine manière, le numérique a remis les choses, a rebattu les cartes. Par exemple, vous avez parlé de la Villa Savoie. C'est ici, dans ce projet, où Le Corbusier met en œuvre le 5 points de l'architecture. Oui, mais à chaque fois, il est. Alors, c'est une référence. C'est le grand mythe des 5 points. Oui. À chaque fois, il les remonte. Oui. À chaque fois, C'est un effet de discours. C'est un effet presque de démonstration. Mais en fait, où sont les 5 points dans l'unité radio de 1950? Oui, ce n'est pas la même échelle. Si l'un est prototype de l'autre, ça devrait diffuser. Mm. Non, c'est pas si simple. Merci. Merci. S'il y en a qui veulent prendre la parole, c'est vous, du coup. S'il y en a qui veulent intervenir, poser des questions à Joël, augmenter des passions. Je pense qu'il y a une notion importante qui a été d'ailleurs évoquée très récemment par toi, c'est la question de l'échelle. Mm-hmm. La question de l'échelle me semble extrêmement importante pour effectivement donner du sens à cette notion de prototype. Le passage effectivement de l'échelle de maquette à une échelle de 1, finalement, l'échelle de la réalisation, et s'interroger sur qu'est-ce qu'on veut tester à travers le prototype. Mm-hmm. Donc, on peut tester des systèmes constructifs, on peut tester des solutions innovantes, on peut tester différentes choses. Mm-hmm. Donc là aussi, il faut encadrer effectivement cette question-là, je pense. Mm-hmm. Sinon, comme vous disiez, Virginie, tout peut être prototype. Ben oui, c'est... Donc je pense que cette articulation-là, la notion d'échelle, la notion de savoir qu'est-ce qu'on veut tester pour réaliser, pour confirmer l'intérêt de nouvelles intelligences constructives ou autre chose, me semble être un point intéressant. Oui, tout à fait. Mais justement, dans les architectes du mouvement moderne, je monte par exemple la maison tropicale de Prouvé. Pour moi, c'est un prototype, mais qui s'intéresse plutôt au mode de production, et donc c'est plutôt l'aspect technique de la tôle pliée qui devient d'un coup constructif, et la démontabilité aussi pour des climats chauds. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique. Dans le test de l'innovation constructive. Donc là, voilà, on n'est pas en train de tester une spatialité ou des qualités lumineuses. Là, on est vraiment dans un process, un procédé constructif technique. Voilà. Ça pose des questions à différents niveaux. Oui. Prototype architectural, prototype structural, prototype, prototype d'utilisation de nouveaux matériaux, prototype, etc. Oui, tout à fait. Bah, justement, dans l'analyse que je souhaitais faire de ce que j'ai appelé les architectures analogues, c'était d'essayer de déterminer différentes catégories, justement, de prototypes. Si je peux faire juste une petite réaction, mais je trouve qu'il est important, la question d'échelle est importante, et puis, justement, de spécifier ce qu'il y a d'immersif, des possibilités d'immersion dans le prototype pour distinguer justement toutes les classes possibles de production. Et c'est important du point de vue de la question des ambiances, justement. Et dans cette idée-là, je pense qu'on peut prendre comme prototype certains types de productions qui ont été faites dans des contextes aussi manifestes, que ce soit les pavillons, les spoumeaux, ou des choses qui se font à une échelle effectivement d'immersion corporelle et qui ne sont pas... produit un contexte qui cherche à renouveler certains types d'expériences. Par exemple, celle sur l'introduction de la lumière naturelle à flot dans les pavillons des nouveaux ou dans d'autres contextes. Et je trouve que c'est ça, ou des effets climatiques dans ce que vous pouvez vous démontrer. Et je trouve que c'est là où il y a une particularité d'approche à avoir par rapport à toutes les approches qui ont pu porter plus sur le côté constructif, matériel, etc. Et à montrer comment cette production-là, comme tu l'as montré, réintroduit aussi la fabrication elle-même dans le processus de conception, amène à éprouver et à faire éprouver un certain type d'expérience. Mm-hmm. Je trouve que c'est un peu la différence, enfin, moi je trouve que c'est ça, qui serait, qui introduirait une nouvelle manière de regarder, de concevoir ces prototypes. Alors, prototype, est-ce que c'est le bon terme? J'en sais rien, peut-être qu'il est trop chargé de beaucoup de choses. Peut-être qu'il y a justement à voir si c'est ça qu'il faut conserver. Et en même temps, je trouve que cette dimension d'immersion à la fois dans le faire et à la fois dans le résultat du faire est intéressante dans la production numérique. Cependant, il n'y a pas que ça. Si on parle de prototype purement numérique, justement, je me demande de quelle nature est l'immersion. Ou la possibilité d'atteindre, ou de, dans une certaine partie en tout cas, ce que l'on peut rapporter à une expérience de l'ambiance. Donc de cette caractéristique atmosphérique, on va dire, d'énergie. Ben moi, je trouve que l'enquête, à ce titre-là, peut avoir relativement observé, en tout cas, les éléments qui ont été produits. Alors, je ne sais pas dans quelle fenêtre, donc ce n'est pas une histoire non plus, quoi, c'est pas ça. Mais c'est tirer des éléments qui permettent d'éclairer un petit peu de quelle manière aujourd'hui on peut concevoir avec ces dimensions-là. Voilà, un petit peu le point de vue que j'aurais sur cette. Oui, c'est pour ça que dans le corpus, j'introduis le troisième corpus, qui est celui qui va s'intéresser aux écosystèmes et des écoles de pensée, et justement de voir selon les contextes des acteurs impliqués ou des écoles de pensée, comment l'activité de prototypage va justement être abordée déjà à des échelles différentes et avec des enjeux complètement différents. Si on prend le Media Lab de MIT, de Neri Oxman, déjà, l'échelle du prototypage, elle n'est pas forcément à l'échelle 1, c'est pas forcément immersif. Et on est plutôt sur la matérialité et l'impression 3D et sur la production de nouveaux matériaux. Chez Hakim Menges, on est déjà dans une bio-inspiration et dans du prototypage à l'échelle 1. avec justement aussi découverte de nouveaux matériaux. Voilà, ce qu'on voit, c'est du tissage des fils de carbone. Donc, mais on est toujours dans des contextes immersifs ici. Donc, je pense qu'effectivement, cette question de prototype est toujours liée à un contexte et à des acteurs, à des écosystèmes, effectivement. C'est vrai, j'ai énoncé deux hypothèses. Donc, la première, c'était plutôt qu'est-ce que justement ça va changer dans le processus de conception. Et donc, l'hypothèse qui est émise est que finalement, dans ce processus, en introduisant donc la matérialité, le processus de conception devient aussi un processus d'expérimentation. On est un processus aussi itératif, c'est-à-dire on a le modèle numérique. On peut produire, faire l'expérience de quelque chose, réinformer le modèle numérique et donc aussi se poser des questions de matérialité, effectivement. Pas tout à fait, parce que quand on a un script... Moyens pour se faire. Oui, oui, oui. Mais là, quand on est... Mais quand on a un script de modélisation numérique, il offre beaucoup de possibilités, en fait. Donc, c'est vraiment... C'est à vous de l'architecte, à la numérique aussi. Oui, mais quand vous définissez un script numérique, vous allez définir des paramètres, en fait. Donc, vous définissez vous-même déjà ce que vous avez envie de tester. Hein. C'est pas... Donc, vous définissez les paramètres qui peuvent d'un coup faire décliner cette forme de différentes manières, l'adapter à des contextes différents. Encore une fois, avant aussi, il n'y a pas de différence. Alors, c'est pas là parce que tout se situe. Bah pour moi, la différence, c'est que la différence, c'était qu'on était pas dans une forme qu'on allait pouvoir décliner finalement à l'infini, je pense. Aujourd'hui, ce qui change, c'est que quand on conçoit avec des outils de modélisation paramétrique, c'est qu'on peut finalement faire varier la forme à l'infini. Et d'un coup. Non, ça c'était possible avant. Ce qu'on peut aujourd'hui, c'est qu'on peut produire des formes qu'on ne pouvait pas auparavant. Donc la différence, elle est là. Aujourd'hui, avec l'outil numérique, on peut produire des formes qu'on ne pouvait pas. On peut passer justement du dessin numérique à la production de formes, ce qu'à un moment donné, l'architecte s'est bloqué par rapport à ça. Oui, oui. Mais sinon, on pouvait faire autant de maquettes. Oui, aujourd'hui, il y a des maquettes très matérielles. Oui, même Herzog au demeurant. Hein, donc, après, est-ce qu'il y a des enjeux? Je ne sais pas. Est-ce que produire, par exemple, ces formes de cette façon-là, ce serait plus économique? Si on pourrait en produire plus qu'on en faisait auparavant que maquettes? Je ne sais pas. À mon avis, ça coûte très très cher. Non? Je ne sais pas. C'est de faire du produit. Est-ce que l'enjeu, par exemple, j'en sais rien. Moi, comment on peut produire, en effet, je ne sais combien de prototypes, alors que c'était beaucoup plus long, plus coûteux auparavant que ces maquettes? Effectivement, on parle du prototypage rapide, c'est parce qu'on peut rapidement, finalement, produire matériellement des maquettes ou des prototypes. Et on ne pouvait pas faire ça, effectivement, avant. Mais si, vous pouvez, si vous prenez l'exemple de Thierry, c'est le cas typique de l'architecte qui travaille comme on travaillait il y a 50 ans, qui fait des centaines de maquettes très moches. Mais très rapide. Oui. C'est comme ça qu'il travaille. Et après, il a besoin d'outils numériques parce qu'il est incapable, c'est l'ingénieur, c'est incapable. Oui, les scans, de réaliser, de construire ce qu'il a conçu. Oui. Donc, tout à fait. C'est ça qui est important. Ce n'est pas l'outil qui l'aide à concevoir, c'est l'outil qui l'aide à construire. Exactement, oui, oui. Qui l'aide à modéliser numériquement ce qu'il a construit d'une façon analogique. Oui. Tout à fait. Dans son imagination fertile. J'appelais ça une situation projectuelle, donc ça, c'est une commande, soit une commande, soit un exercice, soit il y a un contexte en fait qui demande une transformation. D'accord. Mais du coup, l'intégralité de l'enquête est menée par l'architecte. On est d'accord. Alors là, j'ai placé justement l'enquête dans les deux sens, c'est-à-dire il y a à la fois l'enquête architecturale, c'est-à-dire c'est la conception. Donc comment je conçois à partir d'une situation justement indéterminée. Et après, c'est l'enquête de celui finalement qui observe, qui est mon cas aussi, dans le cadre de la thèse, c'est comment j'observe justement quelque chose qui est en train de se faire ou qui est fait. Voilà. Donc c'est dans les deux sens. Donc c'est ce que j'avais compris. Il semble que si tu emploies cette méthodologie, c'est un des enjeux de la thèse, et le processus de travail architectural. Et du coup, à mon avis, c'est aussi, ça va être un enjeu esthétique de pouvoir écrire le processus de travail. Oui. Et du coup, c'est aussi un enjeu par rapport à la notion d'ambiance, il me semble. Parce que la notion d'ambiance peut être utilisée non seulement pour l'élément construit, mais aussi pour le processus de travail lui-même. Et du coup, on est sur les ambiances de travail. Et il me semble que là, ça change la donne. En tout cas, je n'ai pas ressenti de ton exposé que c'était un élément que tu mettais en avant. Mais il me semble indispensable, en tout cas, par rapport à cette notion, en fait. Voilà. Oui, qu'elle soit prise en compte, en fait, dans le processus de fabrication. Dans mon processus d'observation et d'analyse, ouais, oui. Mais de voir comment, en fait, la question d'ambiance a été prise en compte. Moi, je vais observer comment, finalement. Non, pour moi, ce serait les ambiances de travail, de l'espace de travail, c'est de l'espace de travail qui partie intégrante pour moi de ton sujet. Okay. Mais c'est comme ça que je le comprends. Ok. Non, c'est vrai, là, je suis en cours d'élaboration de cette partie-là, donc je ne suis pas très avancée. Mais effectivement, je n'avais pas pris en compte les ambiances du travail. Mais c'est intéressant. Ouais. Peut-être pour prolonger un tout petit peu ce que disait Anthony à l'instant, merci pour l'intervention. Je trouve que c'est une excellente question sur les enjeux en termes d'ambiance. C'est très intéressant parce que tu ouvres une voie qui a été assez peu explorée sur la présentation au niveau des ambiances. Alors moi je me disais, et pour me préciser simplement sur un plan très général et théorique que tu poses au début, j'avais deux remarques, qui sont moins des questions que des remarques. Je n'évoque pas du tout, on a déjà parlé, je pense, avec Philippe dans le séminaire qu'on n'a pas très longtemps. Tu n'évoques pas du tout l'apport de Gilbert Simondon dans le cadrage théorique, alors qu'il me semble que c'est un auteur extrêmement central dans ton cadre théorique, au sens qu'on appelle un philosophe de la technique en particulier, pas seulement, mais en particulier, qui permet juste, et qui produit des notions très intéressantes qui pourraient être très opératoires pour toi. Oui. Il parle par exemple de l'individuation de la forme, du processus d'individuation de la forme, des milieux associés et même jusqu'à sa proposition finale de. Alors j'en parle pas de oui effectivement. Alors, voilà, c'est certainement pour noter qu'il existe et que mais j'ai déjà regardé surtout je pense la logique de concrétisation aussi chez lui va être très importante parce que justement c'est le processus voir comment dans le processus de conception l'objet qu'on est en train de concevoir va s'améliorer justement et l'autocorrélation aussi du système donc qui est en cours d'être conçu et plutôt voir justement le prototype qui est un système autocorrélé avec des parties interdépendantes que plutôt des parties juxtaposées séparées, donc j'ai regardé effectivement ça pourrait être l'auteur assez important dans oui, j'en parle pas là comme j'avais que 20 minutes, j'avais décidé de pas trop parler des apports théoriques deuxième petite chose qui rejoint un peu ce que disait Anthony de notre année. Oui. Sur la théorie de l'enquête et la façon dont tu la poses. Oui. Moi, je me disais que ça pose une autre question qui est comment est-ce que la théorie de l'enquête va être opératoire et pertinente pour toi dans ton travail de méthodologique, mais aussi comment est-ce que ton objet, ton domaine de travail qui est lié à une production architecturale, donc à la dimension de la poésis, peut-être permet de penser ou pose des questions à la théorie de l'enquête même de Dewey, ceci peut-être plus du côté de la praxis. Donc, ce rapport entre praxis et poésis, en fait, à mon avis, doit être posé dans l'usage que tu fais de la notion d'enquête dans ton travail. Ok. C'est vrai, j'ai découvert donc, la notion d'enquête assez récemment, donc avec donc, le séminaire. Donc, et je trouvais justement intéressant de pouvoir faire ce parallèle entre l'enquête sociologique telle qu'il la présente et finalement le processus de conception ou l'observation. Mais c'est vrai, ça, c'est en cours. Je suis en train de. J'avais une question, c'était est-ce que, alors j'ai bien compris que ça ne devait pas être abordé dans la tête, donc c'est un peu divergent, mais c'est la question du coup de la situation. C'est dans quelle mesure le fait d'utiliser des prototypes à échelle 1 ne change pas le rapport avec les gens qui vont réaliser ensuite, c'est-à-dire l'artisan ou l'entreprise, ou même l'ingénierie. Est-ce que ce n'est pas un moyen indirect de reprendre la main sur une partie? C'est peut-être dans ce sens-là que l'expérimentation modifie la donne, dans ce sens qu'à un moment, le fait de décider, on la délègue dans le dessin d'exécution, il y a des allers-retours entre les acteurs qui sont parfois assez compliqués, on n'a pas toujours le résultat non plus. Et est-ce que ce n'est pas une façon de maîtriser finalement derrière le processus de production Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on parle de continuum conception-fabrication. Et moi, j'ajoute à ça expérience également, parce que donc c'est une boucle continue et que dans le processus de conception, dans les modèles numériques, on va intégrer justement tous les paramètres de production et de fabrication. Et c'est pour ça que j'ai commencé l'exposé tout à l'heure avec donc Mario Carpo, qui revient justement sur la fondation de l'architecture par Alberti, où à l'époque justement il n'y avait pas de séparation parce que l'artisan finalement le concepteur étaient impliqués dans la fabrication et comment, voilà, chez Alberti, il y a eu cette séparation entre celui qui conçoit, celui qui fabrique, et que finalement, c'est en train de peut-être revenir, le fait que l'architecte qui conçoit est impliqué directement, finalement, dans les modes de fabrication et de construction. Alors, il y a différents outils de fabrication digitale. Donc, il y a l'imprimante 3D, mais il y a aussi des machines CNC, des découpes laser, bon, voilà, qui permettent de produire déjà à différentes échelles et avec différentes matérialités. Et donc, je dirais que aussi le prototype, d'un coup, il peut aussi, à certains moments, se concentrer que sur certains aspects, donc formels ou techniques ou constructif, et donc voilà, et donc on va choisir les outils de prototypage rapide ou de fabrication selon ce qu'on a envie de tester, mais on peut effectivement dans le processus de conception intégrer déjà les matériaux réels de l'objet final, quoi, de l'architecture finale. Est-ce qu'on sait que ça vient aussi sur le par rapport à la tout à fait, je pense que c'est, dans ces cas-là, c'est complètement lié, celui qui conçoit et celui qui fabrique et qui d'un coup gère le processus, la boucle en entier dans ces cas de Jean Prouvé.